بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب الدعاء، باب التشهد الأخير. Quelle invocation qui suit le dernier tashahhud que l'on a appris dans les dourous précédents. يقول في الحديث الثامن عشر بعد المئة 118 حديث رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم أن تشهد أن إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. نقصر أبو هريرة رضي الله عنه. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'invoquer la salat en disant « Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi du châtiment de la tombe, du châtiment du feu et de la tentation de la vie et de l'épreuve de la mort, et ainsi que de l'épreuve du Messie Dajjal. » Et dans une version selon Muslim, il dit « Si l'un d'entre vous fait le tashahhud alors qu'il recherche refuge auprès d'Allah contre quatre choses, puis cita ces quatre choses-là. » قال فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى. Donc il dit à propos du rapporteur, c'est Abu Huraira رضي الله عنه dont on a déjà parlé auparavant pour la biographie était citée. يقول موضوع الحديث, le sujet du hadith, بيان حكم الاستعاذة من هذه أربعة في الصلاة, qu'il est le jugement qui se rapporte à la recherche de refuge contre ces quatre choses dans la salat. Dans la salat. يقول في الشرح الإجمالي. L'explication générale. قال يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من أربع وأمر أمته إذا فرغ من التشهد الأخير في الصلاة أن يتعوذ بالله منهن لأن وقاية العبد منهن سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. Donc il dit Abu Huraira, il informe que le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude de rechercher refuge auprès d'Allah عز وجل dans sa salat de quatre choses. Et il a ordonné sa communauté, lorsqu'ils ont fini le tashahhud, d'en faire de même. Car cela est une protection, cette invocation est une protection justement du serviteur contre ces choses-là, et une cause de réussite dans ce bas monde et pour l'au-delà. وَهَذِهِ الْأَرْبَعُ هِيَ عَذَابُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ النَّارِ وَفِتْنَةُ الْمَحْيَا وَفِتْنَةُ الْمَمَاتِ. Et ces quatre choses sont justement qui sont le châtiment de la tombe, le châtiment du feu, ainsi que la fitna, la tentation de ce bas monde, ainsi que l'épreuve de la mort. وَخَصَّهَا بِذِكْرِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا لِعَظَمِ خَطَرِهَا حَيْثُ إِنَّ الشَّيْطَانِ يَكُونُ أَخْرَصَ عَلَى إِغْوَاءِ ابْنِ آدَمَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ الْحَرَجَةِ لِأَنَّهَا خَاتِمَةُ سَعَى الْحَيَاءِ وَعَلَيْهَا مَدَارُ سَعَادَتِهِ أَوْ شِقَاوَتِهِ. Donc il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a justement cités textuellement en précisant. Mais bien que il dit que la tentation, et là l'auteur dans le livre il écrit le Mahya, mais je pense que c'est plutôt le Mamad, celle de la mort, qui a dit qu'elle est la plus dangereuse, car c'est à ce moment-là que Shaitan est le plus acharné à vouloir égarer le fils de Adam, c'est-à-dire au moment où il est sur le point de mourir. Car c'est la fin de sa vie à ce moment-là. C'est la fin de sa vie à ce moment-là, et c'est sur cela que, justement, se tiendra sa réussite ou son échec. D'accord ? Car comme on dit, « innamal amal bi khawatim » et que le serviteur, justement, meurt sur les dernières choses qu'il a accomplies. C'était le bien, il mourra sur le bien. C'était le mal, il mourra sur le mal. Quoi. Donc, on dirait qu'il y a une erreur d'impression dans le livre, Allah alam. قال وعلى الكل بأنها فتنة التي تكون بعد الموت فهي خطيرة وعليها مدار تنعيمه وتعذيبه وفي قبره وأما فتنة الدجال فخصها بذكره وإن كانت من فتنة المحيا لنا أعظم الفتن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال رواه مسلم. Donc il dit, et si jamais il s'agit de la fitna justement qui elle a lieu après la mort, c'est-à-dire ce qui est l'interrogation du serviteur dans sa tombe, alors cela également, elle est extrêmement dangereuse, car c'est là-dessus que se basera par la suite ce qu'il pourra subir comme châtiment ou qu'il pourra trouver comme délice dans sa tombe. Et quant à la fitna du Messie Dajjal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé car elle est la plus grande fitna qui aura lieu en ce bas monde. Car il a dit, dans une version authentique, il a dit qu'il n'y a pas que la plus grande, qu'il n'y a pas de chose qui sera plus grande, plus dangereuse, c'est-à-dire pour nous les hommes, depuis la création de Adam jusqu'à ce que vienne l'heure, si ce n'est la tentation du Dajjal. Ce qui va faire comme ce qui va faire subir comme épreuve, fils d'Adam, par les choses que Allah lui accordera de pouvoir accomplir afin de tester ses serviteurs. Donc il est très important de chercher refuge contre lui. Non. يقول في فوائد الحديث enseignement utile du hadith الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضا ونفلا qu'il est obligatoire de chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses dans le tashahud, dans le dernier tashahud, dans chaque salat, qu'il soit une salat obligatoire ou surrogatoire. Il faut prononcer cette invocation à chaque fois. وهو للوجوب عند بعض العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي et que certains ulama voient que cette invocation elle est obligatoire, elle est obligatoire, d'accord, du fait que le Nabi sallam a ordonné de la prononcer et de le faire, et il a dit dans un hadith faites la salat comme m'avez vu accomplir la salat. ثانيا أن خطر هذه الأربع عظيم, et que le danger de ces quatre choses est immense. ثالثا إثبات عذاب القبر وعذاب النار, que ce hadith confirme justement le châtiment de la tombe, le châtiment du feu. رابعا عظم الفتنة عند الممات, là justement la grandeur de la tentation que l'on peut subir justement au moment de la mort. خامسا إثبات خروج الدجال وعظم فتنته, qui montre que cela confirme la sortie du Messie Dajjal et la grandeur de son épreuve, la tentation qui va être pour les gens. وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته إلى compassion que le Nabi صلى الله عليه وسلم avait envers sa communauté. هذا الذي أخذنا اليوم بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين.